Mais en vie de rébellion, en vue de nos conditions de moutons asservis par des lois peu civiques, des lois sécuritaires. Au principe, les terres sont venues s'installer au pays des libertés. Je pense à cette femme sans papier devant son gosse malmené par ses agents de police à l'esprit peu critique. 6 ans elle est en France, témoin de tant de violence. Quel sera ton mépris et ta peur de la police? Et ta peur de la police? Des idées libertaires aux esprits salutaires, que le sème sur les chemins, un micro à la main. Pour le jeune marginal, bien anti-libéral, tu as construit ta vie selon tes utopies. T'as pris l'option nomade, t'as yourté ton quintar. Tes 6 mois sont passés, ils vont te déloger. Ils vont te déloger. En puissance dans notre douce France, de vieux débats à zéro au profit du FN. Triste est de constater le poids des préjugés sur certains électeurs vers le choix de la terreur. Je refuserai de me soumettre à ces pensées extrêmes. Travail, famille, patrie et aux idées de ce parti. Et aux idées de ce parti.